votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour, bonjour, vous écoutez Radio Campus, 50 ans déjà, première radio libre de France, et sur 106,6 MHz ou sur campusville.com. Il est midi, c'est l'heure d'Angle d'Attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour réaliser cette émission, Florent, au mixage, qui vous a choisi la pause musicale et qui va vous annoncer ce qu'il y a à faire dans les 4 semaines à venir, c'est le calendrier militant de Florent. René et Christian seront les animateurs du jour, sans Ludovic ni Louis, indisponibles ce jour. Cette émission a été enregistrée le 9 février. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? De tout. De tout ce qu'il est intéressant de parler en ces temps troublés. On peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Bonjour Paul Jorion. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien téléphonique. Vous êtes une personnalité originale dans votre genre. On ne vous connaît pas d'école de pensée. Votre carrière professionnelle et vos travaux prouvent un éclectisme rare. De vos travaux d'anthropologue sur l'île de Watt, c'était pas hier, à la création en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle d'un logiciel destiné à remplacer des traders aux États-Unis, rien que ça. Vos prévisions en 2005 de la crise financière dite des subprimes, prévisions qui, ex poste, vous a valu une reconnaissance internationale. Bref, une personne que, sans flagornerie, nous pouvons dire que nous sommes très honorés de vous accueillir dans notre émission Angle d'Attaque. Merci à vous. Ben voyons. Non, on vous devait bien ça. Nous avons envisagé de vous entretenir sur les thèmes et les thèses que vous défendez, bien sûr, mais à la réflexion, ne peuvent-elles pas être réunies en un seul plus vaste thème, la fin du capitalisme, ou plutôt la nécessité d'y mettre fin, pour reprendre le titre de votre livre. Est-ce qu'il ne va pas y mettre fin, d'ailleurs, lui-même, ce capitalisme ? Ne sommes-nous pas à la veille d'une nouvelle crise financière, par exemple ? Je ne pense pas que ce soit en tant que telle une crise financière, mais c'est que l'incompatibilité entre ce mode d'exploitation du monde économique et la survie maintenant même de l'espèce, c'est ça qui va apparaître en pleine lumière. Les crises financières, les crises à la bourse, les crashs boursiers, tout ça, finalement, on les a connus. Maintenant, c'est beaucoup plus, je dirais, l'incompatibilité même entre un mode de relation économique entre nous et le monde qui arrive à sa fin. Ah oui. Alors c'est donc, on est sur un autre thème complètement, parce que effectivement, on était au bord de la crise financière. Je me souviens de vos écrits en 2017 où vous parliez de la bulle financière obligataire. Je ne sais pas si elle existe toujours d'ailleurs, cette bulle obligataire. Ce que l'on sait effectivement, c'est que les investisseurs se retournent toujours vers les obligations. Ça veut dire, pour aller un peu dans votre sens, est-ce que on déserte le capital plutôt, ou la propriété privée pour aller vers plus de sécurité dans des obligations qui sont des obligations d'État le plus souvent, donc plus sécurisées ? Mais la bulle obligataire, elle est là. Mais les choses qui sont en train de changer, c'est que des choses qui nous auraient terrifiés il y a quelque temps s'inscrivent, je dirais maintenant, comme des détails à l'intérieur de la vision, malheureusement, qui est celle de la survie même de l'espèce à la surface de la Terre. Oui, il y a une crise obligataire. Oui, les gouvernements ont mal réagi à la crise de 2008. Oui, ils ont pris les mauvaises mesures. Oui, ils n'ont pas compris que le monde avait changé. On a utilisé les modèles de la science économique, science entre guillemets, qui avaient fait la preuve de leur incapacité à prévoir une crise comme celle-là. On a réutilisé les mêmes en faisant des erreurs grossières comme celle du Fonds monétaire international qui a décrété qu'il fallait faire l'austérité à partir d'une erreur de calcul, des choses de cet ordre-là. Finalement, tout ça sombre. La science économique est en train de sombrer entièrement dans le ridicule, mais malheureusement, nos dirigeants font toujours référence à cela. Oui, il y a une crise obligataire, parce que si les choses vont mieux, les taux d'intérêt vont augmenter, Et si les choses vont plus mal, ils vont augmenter également. Et comme il y a, vous le savez, c'était la politique de quantitative easing, de planche à billets, qui a été utilisée aussi bien par la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, que par la Banque centrale européenne, a déversé des quantités d'obligations dans le monde. On a remboursé, les États ont remboursé aux frais du contribuable aussi bien les paris purement spéculatifs que les pertes économiques. Et du coup, toutes ces obligations qui sont en circulation risquent de perdre énormément de valeur si les taux devaient augmenter. Et le problème dans lequel on s'est mis, c'est que les taux peuvent augmenter aussi bien si les choses vont plus mieux que si les choses vont plus mal. C'est-à-dire qu'en fait, on est absolument coincé, on s'est coincé dans le coin de la pièce. D'accord, oui, c'est-à-dire qu'en plus, si les taux augmentent, la valeur d'obligation, la valeur nominale diminue, effectivement. Celles qui sont en circulation, pas celles qu'on va émettre, bien entendu. Ah oui, bien entendu, oui, en effet, oui, c'est bien de rectifier. Bien, alors effectivement, vous êtes dans un autre stade, votre réflexion actuellement porte plus sur le danger que dans lequel nous entrons, qui est une société où l'emploi disparaît, où la qualité de vie qu'on pouvait avoir. Enfin, moi, j'ai aussi cette idée qu'on est bien obligé maintenant de regarder sur chaque produit de quoi il est composé pour savoir si on n'est pas trop glyphosatisé. Voilà, des choses comme ça, quoi. Est-ce que l'air que nous respirons, est-ce qu'il est encore possible? Nous sommes à Lille, et peut-être savez-vous que Lille est une ville des plus polluées de France, où il y a 60 jours de pic de pollution maintenant reconnus, alors que pour la sécurité sanitaire, l'OMS considère que 3 c'est déjà suffisant. On est à 60. C'est bien cet esprit-là dans lequel vous êtes, en fait. Oui, bien sûr. Il y a un article ce matin dans la presse sur la pollution sonore à Paris. Il n'y a pas de jour à Paris où on ne dépasse pas les bornes de la pollution sonore et ça conduit à des morts, ce qu'on découvre. Les villes qui sont trop près des aéroports sont polluées de manière sonore, de manière considérable, mais il y a aussi simplement le bruit des autoroutes aussi, qui est aussi un bruit considérable. Quand on regarde cette carte, c'est affligeant de voir à quel point il devient difficile de vivre dans les grandes villes. Et vous le savez, bon, à Paris, il y a ce périphérique. Et on fait ralentir la circulation quand il y a un affichage qui dit « conditions atmosphériques exceptionnelles ». Et qu'est-ce que c'est que des conditions atmosphériques exceptionnelles? C'est quand il fait beau. Quand il fait beau, il n'y a pas assez de circulation de l'air et la pollution dépasse les pics. Pour revenir sur ces questions-là, alors, vous prévoyez... une question de René. Oui, mais justement, à propos de la pollution donc en ville, il semble que dans les années 70, on avait quand même pris un certain nombre de réglementations. Alors, soit elles sont insuffisantes, soit on les a peu à peu levées, non? Est-ce que... C'est le volume, ce qu'on n'avait pas pensé. On a doublé la largeur des voies, le nombre de gens qui ont accès à une automobile a augmenté considérablement. On a pris des mesures, mais l'ensemble de ces mesures n'allait pas assez vite par rapport à la situation qui changeait. Oui, on peut prendre des mesures. Oui, en Chine, à Pékin, on a fait baisser la pollution de 20% l'année dernière, mais on l'a fait de manière extrêmement brutale en allant casser les fourneaux à charbon chez les gens en leur disant qu'on allait remplacer ça bientôt, que les secours venaient. Et un grand nombre de ménages peu aisés à Pékin ont passé tout l'hiver sans chauffage. Nous avons affaire là à un gouvernement qui prend les mesures nécessaires, mais avec une brutalité pour la population qui est difficilement supportable et que nous ne tolérerions jamais dans nos pays. Sans aucune préoccupation sociale, manière autoritaire et voilà. Alors, si, en Chine, bien entendu, il y a une préoccupation sociale. La Chine est en train de devenir un pays, je dirais, du type de nous, dans ce que nous appelions les 30 glorieuses, c'est-à-dire entre 1950 et 1970, ce qu'on appelle une social-démocratie. Mais la Chine le fait avec à sa tête un parti communiste qui prend des mesures de manière extrêmement brutale, en se préoccupant pas trop des pots cassés dans la population de manière immédiate. si, la Chine est en train d'obtenir, de lutter contre sa pollution, elle est en train de mettre en place l'équivalent d'un système de sécurité sociale, etc. Mais elle le fait, elle veut aller très très vite, elle veut fêter en particulier les 100 ans de la création du Parti communiste et ensuite les 100 ans de la prise de pouvoir par les communistes en 48 et ainsi de suite. Elle veut atteindre ses objectifs, mais elle le fait du coup à une vitesse qui est sans doute justifiée, mais que nous n'accepterions certainement pas chez nous. Donc on ne l'accepte pas chez nous, vous avez raison, mais pour autant, on a fait un grand barouf à Paris avec la COP21. Par contre, il n'y a pas de mesures contraignantes dans nos pays. Est-ce que la social-démocratie, c'est ça aussi, en fait ? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, et les problèmes qui sont liés à la survie de l'espèce sont des problèmes où tout le monde doit participer. Un participant qui ne participe pas, et en particulier quand c'est un grand, comme les États-Unis qui sont en train de se retirer de tous les accords sur la pollution, réchauffement climatique, etc., un acteur peut empêcher, bien entendu, que ça marche, parce que il faut que, pour des phénomènes comme la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, le fait que l'eau soit potable, le fait que nous ne cessions de produire du protoxyde d'azote qui augmente le gaz de serre, c'est tout le monde. Tout le monde doit le faire. De la même manière que ça avait été fait sur le fréon qui avait fait un trou dans la couche d'ozone, il faut que tout le monde soit d'accord. Oui, en effet. On est donc dans une situation qui est, pour vous, certainement dans le genre proche de la catastrophe. Et vous dites aussi, l'emploi disparaît. C'est-à-dire que tout le monde peut être responsable de quelque chose, mais c'est sûr que la précarité des gens, je pense en France, je pense bien sûr aux gilets jaunes, fait que les situations précaires ne sont pas facilement mobilisatrices sur des thèmes pas touchables véritablement, enfin s'ils le sont, mais je ne sais pas comment dire, pas sensibles en tout cas au point de faire en sorte que les gens se tournent vers des questions de cet ordre, quoi. Mais c'est-à-dire ce qu'on voit pour en ce moment, c'est une contestation dans la population où on voit défiler des gens qui viennent pour des motivations tout à fait différentes, qui sont distinctes. Mais ça, ce qui doit compter aux yeux d'un gouvernement, c'est le mécontentement. La raison précise pour laquelle chacun se trouve là ne devrait pas être sa préoccupation. Oui, on peut regarder, il y a des gens qui sont davantage concernés par leur survie immédiate. Malheureusement, c'est le problème toujours de la pauvreté. Il y a la disparition totale de l'emploi qui se profile à l'horizon. Ça a d'abord été les robots, puis ça a été les logiciels. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Et les gouvernements refusent de mettre la question de l'emploi à plat. Pourquoi ? Parce que ça permet que le rapport de force entre les personnes qui offrent des emplois et ceux qui en demandent, cela permet que le rapport soit défavorable pour celui qui en demande. Moins il y a d'emplois, plus le rapport est favorable à ceux qui offrent de l'emploi. Et comme vous le savez, on ne crée plus des usines qui emploient des milliers de personnes. Quand une entreprise innovante crée des emplois, c'est de l'ordre de centaines d'emplois. Ce n'est plus par dizaines de milliers comme les grandes usines automobiles. Oui, alors, et sur ce thème-là, il y a aussi le fait que les Américains ont fermé leurs frontières pour éviter que les emplois se sauvent ailleurs. Et donc, on a aussi cette crainte qui est peut-être aussi celle du Brexit, enfin des Brexiteurs en l'occurrence, de perdre l'emploi qui était dans le pays. Et les Brexiteurs en Angleterre, dans le nord d'Angleterre, ce n'est plus du tout une zone industrielle en l'occurrence. Oui, les gens ordinaires sont toujours sous la même impression, c'est-à-dire qu'en fait, un immigrant qui vient, c'est quelqu'un qui risque de prendre le pain des Français, comme on disait autrefois, que il représente un danger sur le marché de l'emploi. Mais ce sont des illusions et les dirigeants connaissent les chiffres. Donc, si vous regardez aux États-Unis, M. Trump s'efforce, il tient de grands discours en disant qu'il va permettre une réindustrialisation, qu'il va fermer les frontières pour empêcher la concurrence d'une main-d'œuvre étrangère. Mais quand on regarde les chiffres sur les 30 dernières années aux États-Unis, 87% des emplois qui ont disparu, c'est par la mécanisation, c'est par les robots, c'est par les logiciels, c'est maintenant par l'intelligence artificielle. C'est seulement 13% qui a été qui est responsable. La délocalisation est responsable seulement de 13% des emplois qui ont disparu. Et les chiffres, je ne les connais pas pour l'Europe, mais ils doivent être du même ordre. Si les emplois disparaissent pour les populations indigènes, pour les gens qui voilà qui sont nés en métropole à proprement parler. Si les emplois disparaissent, ce n'est pas parce qu'il y a des étrangers qui le prennent. Les gens sont encore sous cette vieille représentation, ça n'a plus de sens. C'est quasiment 90% des emplois qui sont remplacés simplement par l'avancée du numérique. Oui, justement, à propos de la disparition des emplois par rapport à cause de la robotisation et de l'intelligence artificielle, on a entendu de nombreux avis divergents. Donc certains parlent de suppression massive d'emplois, ce qui semble en tout cas se concrétiser, et d'autres nous disent mais cette robotisation va entraîner la création de nouveaux emplois, de nouveaux métiers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est-à-dire le problème, ce qu'on nous présente, c'est le fait que dans les années 60, les années 70, on a fermé les usines et que les personnes qui quittaient le monde ouvrier a pu travailler dans les services. Effectivement, si on a pu fermer les usines, c'est parce qu'il y a eu mécanisation. La mécanisation a permis, à cette époque-là, on le faisait encore, de distribuer dans la population une partie des gains qui étaient ceux de la mécanisation. Vous le savez, dans la situation actuelle de concentration de la richesse, ce n'est plus le cas. Et on a pu faire cette transition, effectivement, du travail en usine vers les services, les administrations, le commerce et ainsi de suite. Mais le chiffre qu'on ne cite jamais mais qu'il faut citer, la conversion de quelqu'un qui travaillait dans une usine pour travailler ensuite dans le domaine des services, cette formation est de l'ordre de quelques semaines, au maximum de quelques mois. Prendre une personne qui perd son emploi de caissière dans un supermarché et faire de cette personne quelqu'un qui va entretenir des robots, qui va écrire du code ou qui fera de la maintenance dans une usine, ça prend, vous le savez, ça prend 5 à 6 ans. Le type de transition n'est absolument pas comparable. Et quand on regarde une photo voilà, d'une ligne d'assemblage où on voyait autrefois 1000 personnes sur une photo en train de travailler à conduire, à fabriquer des voitures, vous le savez bien maintenant, sur la même photo, on voit 3 à 4 personnes. Ce n'est pas du même ordre de grandeur. Cette idée, cette superstition, je dirais, il faut l'appeler par son nom, qu'on va pouvoir créer un nombre d'emplois équivalents ou même, n'hésitons pas, supérieurs, c'est une mauvaise plaisanterie. Le nombre de gens qui travaillent dans notre société, mais je ne parle pas des chiffres de chômage, je veux dire simplement la partie de la population adulte qui travaille, il est en baisse régulièrement. Il est passé de 80% à 60%. C'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. Oui, en effet, vous parlez de superstition quand même, c'est pas rien. Non, c'est une superstition. On appelle ça la destruction créatrice de Schumpeter. Oui. Schumpeter a parlé de ça, mais c'était simplement une citation de Marx qui en parlait. Et cette destruction créatrice veut dire simplement qu'il y a des époques de transition. On détruit les machines précédentes pour les remplacer par d'autres, mais il n'a jamais été dit par personne que le nombre d'emplois sera le même ou qu'il augmenterait. C'est une superstition qui circule. C'est un dicton, c'est un proverbe, c'est du même ordre que l'immobilier, le prix de l'immobilier ne baisse jamais. Ce sont des légendes, ce sont des mythes. Alors, pour aller dans votre sens, malgré tout, vous parlez de polarisation de la société. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Enfin, j'imagine bien qu'il s'agit des plus bas niveaux de qualification avec les plus hauts niveaux de qualification. C'est une polarisation en termes d'emploi, de qualité de l'emploi. Mais toute la société n'est pas entre les plus bas niveaux de qualification et les plus hauts niveaux de qualification. Il y a quand même du monde entre deux. Oui, mais ces gens-là gagnent de moins en moins. Ce sont ces gens-là dont les salaires ont stagné le plus, voire même baissé. Ce qu'on appelle la même chose, un autre terme, c'est la disparition de la classe moyenne. Il y avait un certain nombre d'employés qui étaient des gens, en fait, qui étaient des salariés au même titre que les ouvriers, mais on employait un terme différent. On a dit les employés, puis on a appelé ça les classes moyennes, alors qu'à une époque, on appelait les classes moyennes simplement les petits commerçants, les artisans, etc. Cette classe moyenne-là, c'est elle qui est entièrement dévastée maintenant. Ce sont les comptables qui sont remplacés par des logiciels. Ce sont les sténodactylos d'autrefois, dont la profession a entièrement disparu. Il n'y a jamais eu la moindre délocalisation d'une sténodactylo en Chine. Ça a été remplacé. La profession tout entière a été remplacée par le traitement de texte, qui est un logiciel. C'était un logiciel, je dirais, assez primitif. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle là-dedans. Mais ça a suffi à supprimer entièrement toute une profession. Maintenant, ce sont les gens Bac plus 10, ils sont en train d'être remplacés. Les gens qui font du diagnostic du cancer et qui font plus d'erreurs, beaucoup plus d'erreurs que DeepMind qui regarde l'ensemble des données et qui décrit les symptômes et qui fait un pronostic. La différence entre d'erreurs de calcul, d'erreurs de diagnostic entre les meilleurs oncologues font de l'ordre de 5% d'erreurs dans les diagnostics. La machine fait moins d'1%. Les 4% de différence, les 5 moins 1, c'est 4%, c'est une souffrance humaine extraordinaire. Et la sécurité sociale, bien entendu, va bien, l'assurance maladie va bientôt vous dire qu'on ne peut pas se permettre ces 4% de différence. Et c'est donc toutes les spécialités qui sont en train de disparaître. Je parle avec un très grand chirurgien français qui m'expliquait, qui disait heureusement qu'on a les robots maintenant, ils font ça tellement mieux que nous. Ils ne se préoccupent pas de savoir si quelque chose est trop petit pour qu'on puisse le voir. Tout est à la même taille pour eux. Oui, mais alors, vous connaissez certainement Jean Gadret et son blog, qui est un membre d'Attaque, mais aussi nos amis, là, puisqu'il était près de chez nous, ici à Villeneuve-d'Ascq. Il défendait quand même l'idée d'un million d'emplois possibles d'ici 2030 avec une étude qui était faite par une association qui s'appelle Negawatt, donc, qui est contre évidemment le nucléaire, et qu'il dit qu'il y a tout un développement possible autour de l'agriculture, autour de l'économie d'énergie, dans le bâtiment, donc des métiers qui seraient nouveau dans la mesure où l'agriculture biologique n'est pas l'agriculture ancienne, c'est pas un retour à la brouette, hein. C'est un moyen effectivement de repenser la biologie et les caractères biologiques de l'agriculture. Et donc il y aurait là quelque chose comme un million d'emplois à créer d'ici 2030. Vous connaissez cette étude ou Tout ça est très sympathique et tout ça doit être encouragé. Mais toutes les études qui vous disent on va créer des millions d'emplois si on supprime entièrement le capitalisme et qu'on le remplace entièrement par autre chose qu'on ne connaît pas encore exactement, oui, c'est gentil. Je ne veux pas employer le mot d'utopie. L'utopie, maintenant, il faut la faire. On n'a plus le choix. Il faut réaliser l'utopie. Mais c'est vrai, et moi je l'ai souvent dit aussi, si on réalisait véritablement la transition vers un monde vivable, il y aurait des millions d'emplois qui pourraient être créés. Et ce seraient des emplois qui ne seraient pas du tout fastidieux, qui seraient intéressants, remettre en état les rivières, remettre la nature en état autour de nous, faire qu'on n'épuise plus la terre avec la hauteur de 1,6 terre chaque année, bien entendu. Bien entendu, on pourrait rendre le monde vivable et je me bats pour ça. Mais quand on parle de l'évolution prochaine, il faut aussi quand même rester dans les limites de ce qu'on peut espérer ou imaginer se passera de manière réaliste, c'est-à-dire en sachant que les présidents de la République sont des gens qui vous disent si vous traversez la rue, vous trouverez un emploi. On ne peut pas mettre ça entre parenthèses, nous ne sommes pas déjà à l'étape suivante. Oui, en effet. Donc, on est effectivement... c'est le bateau qui ne peut pas s'arrêter même en arrêtant les moteurs, effectivement. C'est un peu ça que vous dites. C'est ce qu'on nous dit maintenant, par exemple. On nous dit, si demain on interdit tous les moteurs à explosion, si toutes les voitures doivent s'arrêter, si tous les paquebots s'arrêtent, eh bien, la pollution va augmenter. Pourquoi est-ce que la pollution va augmenter? Eh bien, simplement parce que les particules qui sont dans l'air, il faut que nous continuions à les produire dans la même quantité, parce que ça empêche d'une certaine manière le réchauffement climatique. Donc il faudrait non seulement arrêter, mais réduire le réchauffement par des moyens artificiels en plus. C'est comme vous le dites, on ne peut pas arrêter le bateau sur sa lancée en ce moment. René, justement, que pensez-vous de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, qui donc les solutions techniques au problème de la pollution et du réchauffement climatique. Effectivement, on va devoir le faire. C'est-à-dire que nous allons devoir utiliser une partie du génie humain pour essayer de renverser la tendance. La difficulté, on la connaît aussi, c'est que nous ne maîtrisons pas suffisamment l'ensemble des données du problème pour savoir si nous pouvons empêcher toutes les conséquences négatives auxquelles nous ne pensons pas qui pourraient se produire. Alors là, maintenant, nous devons mettre l'intelligence artificielle à notre service, justement, pour calculer tout ça, pour regarder tout ça, pour nous donner des solutions éventuellement dont peut-être nous ne comprendrons pas exactement comment la machine est arrivée à ce résultat. Oui, nous allons être obligés de mettre tous nos moyens technologiques, le génie de l'homme, au service d'essayer de renverser la tendance. Et en même temps, vous aviez conseillé, je crois, Benoît Hamon sur la taxation des robots. C'est-à-dire, c'est une idée effectivement que j'avais lancée, moi, j'avais lancé cette idée en 2012, c'était dans une chronique du journal Le Monde, j'avais lancé cette idée. Je n'en réclamais pas l'invention, j'ai appelé ça la taxe Sismondi. Pourquoi ? Parce que c'était suggéré par ce philosophe socialiste du début du 19e siècle, disant la mécanisation, c'est un progrès. Pour l'humanité tout entière, il faut que la personne qui est remplacée par une machine, à l'époque, vous savez, c'était les ludites qui cassaient des machines, c'était le métier jacquard qui mettait au chômage tous les tisserands. Il faut que la personne qui est remplacée par une machine bénéficie d'une partie de la richesse créée par cette machine, parce que le bénéfice de la mécanisation, c'est un bénéfice pour l'humanité tout entière. Entendu. Alors, vous étiez le 5 janvier, vous étiez à la manifestation organisée par Paul Ariès sur l'Observatoire international de la gratuité. Et vous avez fait un exposé de 10 minutes qui était vraiment très intéressant dans la mesure où vous avez parlé de la gratuité dans la situation aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez un peu développer ce que vous avez fait à Lyon ? Oui, bien sûr. C'était une réflexion justement sur la déconnexion qui va être nécessaire entre les revenus de la plus grande part de la population, celle qui gagnait de l'argent en travaillant. Il va falloir déconnecter la quantité de travail effectué des revenus de la population. Alors, la solution la plus connue dont on en parle depuis le 18e siècle, mais on en parle beaucoup récemment, c'est le revenu universel de base. Donner à chacun une somme qui lui permet de vivre dans la vie quotidienne sans devoir se préoccuper d'un emploi. Alors, au départ, j'étais enthousiaste pour cette idée, et je voyais même dans la taxe sur robots, dans la taxe Sismondi, le moyen de financer ce revenu universel. Mais je me suis mis à réfléchir, et j'ai vu aussi les études qui ont été faites par ailleurs. Ce revenu universel de base, il ne s'attaque pas à la cause principale de nos problèmes maintenant, qui est la concentration de la richesse, puisqu'il la fige. Il donne la même somme exactement à tout le monde. Les sommes qui sont nécessaires aussi sont considérables. Une étude a été faite aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, sur combien ça coûterait. Pour le pays même, ça représente 13% de PIB par an, le revenu universel de base, un revenu universel de base qui donnerait une somme suffisante, effectivement, pour couvrir les besoins de la survie proprement dite. Par contre, surtout, là c'est mon passé de banquier pendant 18 ans qui m'a conduit à réfléchir là-dessus, donner des chèques aux gens, ce n'est pas la bonne manière, parce que nous sommes dans un système de prédation tout autour qui trouvera le moyen de capturer la totalité ou une partie au moins de ces sommes, par exemple en augmentant les loyers du même montant que chaque fois on augmentera le revenu universel de base. Le système financier que je connais bien de l'intérieur trouvera un moyen d'exercer sa prédation sur ces sommes également, et il y a toujours le danger, qu'il ne faut pas exagérer mais qui existe, que les personnes qui reçoivent des chèques l'utilisent de mauvaise manière en achetant que des billets de loto avec ça ou je ne sais quoi. Par contre, revenir à cette réflexion qui était centrale aux années 50, qui était centrale à l'État-providence, qui est d'étendre la gratuité pour l'indispensable, là, les Anglais l'ont fait l'étude, ça ça coûte 6 fois moins cher que le revenu universel de base. Même si on couvre le vêtement de base, la nourriture de base, les transports de proximité, l'accès à l'Internet, l'accès au téléphone, tout ça ne représente que 2% de PIB. Alors 2% de PIB, c'est encore énormément, mais c'est 6 fois moins que le revenu universel. Et ce n'est pas exposé à la prédation du monde environnant, ou même du mauvais usage fait par les personnes elles-mêmes qui manqueraient de jugement sur la manière d'utiliser ces sommes. Il est possible de le faire. C'est une vieille idée. C'est une idée qui a été lancée dans notre culture par un certain Maximilien Robespierre dans son discours sur les subsistances. Il y a une chose plus importante, dit-il, que le droit de la propriété, qui venait d'être défini comme sacré dans la Déclaration universelle des droits du citoyen. Il y a quelque chose de plus sacré que la propriété privée. C'est la vie de chacun, c'est la possibilité pour chacun de vivre. Et il proposait, une proposition que je trouve excellente, séparons dans le milieu du commerce le domaine de la survie individuelle, qui devrait être réglé par un accès gratuit, et laissons aux commerçants le soin de s'occuper du superflu, du luxe et compagnie. Oui, justement, dans ce que vous appelez donc la gratuité, vous parlez de la démarchandisation. Et selon vous, bon, par exemple pour les biens publics, ça ne poserait pas de problème. Pour les ressources communes, c'est plus complexe. Par contre, évidemment, pour les biens privés, ça serait ça le plus délicat. J'ai fait une étude avec Vincent Burnand-Galpin de ce point de vue-là, en faisant la distinction entre les différents types de biens. Je vais essayer de diffuser d'ailleurs ce petit rapport qui n'a pas eu une très grande circulation jusqu'ici. Oui, c'est une étude qui a été faite par vous, alors par une université. Oui. Mais nous avons compris qu'on ne peut pas rendre gratuit tout exactement de la même manière, ne serait-ce que parce que, bien entendu, il y a des coûts pour ce qui sera gratuit aux yeux de la population, mais aussi il y a des domaines différents. Il y a des choses où, en donnant davantage à tout le monde, ça ne prive personne, et d'autres où on a affaire à des biens limités, des ressources limitées, où il faut réfléchir à la manière dont on distribue les choses. Oui, c'est ce qu'on appelle souvent le droit de tirage, hein, sur des ressources limitées comme l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça. On va plutôt donner un ensemble, genre tant de mégawattheures par personne, au lieu de leur donner c'est open bar, comme on dit, où on peut en prendre autant qu'on veut, où ça ne sera pas du tout tenable pour personne. En fait. Oui, ou faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que le premier usage de l'eau est gratuit et ce n'est simplement si vous dépassez ce qui paraît une capacité normale pour un ménage que vous commencez à payer. Oui. Oui, alors effectivement, ce genre de problème, on le connaît nous à Attaque Lille, puisqu'on est dans un collectif qui s'appelle le collectif Eau, où on réclame, comme beaucoup d'ailleurs, on n'est pas les seuls, hein, les premiers mètres cubes d'eau gratuitement, et on se heurte aux politiques qui nous répètent plutôt ce que leur dit Veolia et autres vendeurs d'eau, vendeurs de biens qui devraient être communs d'ailleurs, qui disent, mais si vous faites ça, on va perdre des emplois, on met 60 personnes à la rue. Alors donc, on est toujours coincé. Oui, c'est toujours le chantage à l'emploi. Et là aussi, je viens de faire une note pour Greenpeace pour aider les gens à réagir à ces platitudes que si on ferme le nucléaire, c'est autant d'emplois en moins. Si on nous permet de respirer, ça va faire autant d'emplois en moins. Si on dépollue, ça va faire autant d'emplois en moins. C'est toujours l'argument. Mais nous sommes dans un monde justement où il faut déconnecter entièrement la question de l'emploi du reste. Une fois qu'on aura séparé les revenus du travail effectué, ce chantage à l'emploi sera terminé. Et on pourra aussi rire au nez de ces personnes richissimes qui quittent le pays parce que les impôts s'appliqueraient à eux de la même manière qu'aux autres. On leur dira, vous n'êtes pas véritablement de créateur d'emplois. Et même si vous l'étiez, ça ne nous intéresse plus. Vous dites déconnecter le revenu de l'emploi ? Oui, tout à fait. Oui, c'est là. C'est une proposition très ancienne. En fait, ça date des années 60 et assez paradoxalement, c'est sous Monsieur Nixon, la présidence de Nixon, que la prise de conscience a eu lieu aux États-Unis, qu'on ne pourrait pas continuer indéfiniment à payer les gens pour le travail qu'ils effectuent. En fait, il y a déjà une note chez Keynes dans les années 30 en disant que le chômage structurel finira par rattraper, c'est-à-dire qu'on n'arrivera plus à créer autant d'emplois que nécessaire. Et c'est la situation dans laquelle on est, mais que les gouvernements ne veulent pas reconnaître, et simplement parce que ça permet, voilà, ça permet aux prétendus offreurs d'emploi de garder un rapport de force favorable pour eux. Oui, ils ont aussi pour eux les prix Nobel d'économie ou équivalent. Ce sont des gens qu'ils achètent, donc effectivement. Quand on regarde l'histoire du prix Nobel d'économie, c'est une petite clique financée par les milieux financiers. La société du Mont Pèlerin, qui est à l'origine du prix Nobel d'économie, a été financée par les industriels suisses. Je vais reprendre un peu ce que dit aussi Bernard Friot là-dessus, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on a, c'est déjà là en fait dans nos sociétés, parce qu'on peut considérer qu'à une fois qu'on prend notre retraite, on peut continuer à travailler, à faire des activités, enfin du coup ce qui peut être considéré comme un travail, parce que ça donne de la valeur dans la société, et du coup on a déjà après la retraite, on peut considérer qu'on a déjà déconnecté le travail du salaire, puisque le salaire est toujours perçu. On peut revoir ça aussi comme beaucoup de personnes qui se retrouvent au chômage, qui ont des droits au chômage qui sont suffisants pour vivre et qui, du coup, s'engagent dans des actions qui peuvent être pour le bien de la société, des choses comme ça. On peut considérer que c'est un travail et qu'ils n'ont pas trop, pendant un certain temps, parce que bon, c'est limité en temps, à se préoccuper d'un salaire qui tombe. Et on peut dire que c'est une parenthèse dans cette économie qui nous impose un emploi pour avoir un salaire. Travail qui n'entre pas dans le PIB, justement. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est le fait, mais depuis toujours, que la majorité du travail indispensable n'est pas rémunéré, n'est jamais entré véritablement dans le système du salariat. Et ça continuera d'être le cas, mais raison de plus pour essayer de déconnecter les deux. La proposition de M. Bernard Friot, c'était le système de l'Union soviétique, ce qui prouve qu'il tout n'était pas mauvais dans la manière dont fonctionnait ce système. Alors, avec ce que vous nous dites, ce que vous venez de dire d'ailleurs, est-ce que la gratuité, la déconnexion des revenus, du revenu de l'emploi, est-ce qu'on est en train de, avec ces idées, on est en train de faire dévier l'histoire du capitalisme apparemment ? C'est aller vers sa suppression, à partir de la thèse qui est la mienne, que la survie de l'espèce n'est pas compatible avec le système capitaliste tel qu'il est. C'est un système de prédation, et c'est un système de prédation qui a bien correspondu à la nature, je dirais, colonisatrice de l'être humain, mais elle atteint la capacité de ce qu'on appelle la capacité de charge de l'environnement. Elle dépasse, avec 1,6 planète épuisée chaque année, on dépasse ce qui est possible, c'est-à-dire que la musique va s'arrêter, on ne peut pas continuer indéfiniment. Et il y a aussi ce qu'on appelle les limites planétaires. Il y a parmi cette douzaine de limites planétaires, il y en a trois qui sont déjà en France. C'est le réchauffement climatique, c'est la disparition de la biodiversité et c'est le cycle de l'azote qui est dans une évolution qui paraît assez irréversible. Nous sommes en train de détruire considérablement l'environnement autour de nous, et c'est ce système de capitalisme qui a besoin de croissance. Il n'a pas besoin de croissance pour augmenter les salaires ou pour faire baisser le prix des marchandises. Il est uniquement nécessaire maintenant pour rétribuer les actionnaires, pour payer les dividendes des actions, pour payer les coupons des obligations et pour payer les taux d'intérêt sur ceci ou sur cela. C'est un système qui est prédateur dans sa nature. Il faut éliminer cette prédation. Ce qu'on appelle la croissance, il faut bien le dire, c'est la mesure de la prédation que nous exerçons sur le monde autour de nous. Il y a une partie qui est la générosité que le monde a vers nous, le fait que les plantes poussent d'elles-mêmes sans que nous devions les faire monter. On peut les aider avec des engrais, on peut les regarder pousser. Ça, c'est la générosité du monde envers nous. Mais le reste, c'est de la prédation. Monsieur Helmut Kreutz, à la fin des années 90 en Allemagne, avait déjà montré que dans le prix de n'importe quelle marchandise, n'importe quoi que vous achetez, il y a au moins 30 à 40% du prix qui sont des dividendes, des intérêts, des montants de coupons payés à quelqu'un quelque part. Le tiers de la somme, si pas davantage, c'est une rente perçue par ceux qui sont déjà les plus riches, puisqu'ils peuvent se passer de ces sommes. C'est ça qui tue l'espèce humaine en ce moment à la surface de la planète. Donc il faut en tirer les conséquences, il faut éliminer ce système si on veut assurer la survie. Si on laisse la logique du profit continuer, c'est terminé. Si on continue à poser des questions, comme dans le grand débat, si on continue de nous dire dans une question que j'ai vue, qui est là, vous pouvez voir, permettre de juguler le problème de la disparition de la biodiversité, permettre de juguler le réchauffement climatique, proposer des mesures dans la mesure où elles respectent la compétitivité de la France avec ses partenaires européens, avec les autres pays étrangers. C'est-à-dire qu'on met dans la balance la survie de l'espèce d'un côté et la compétitivité, la rivalité qui est simplement, vous le savez bien, c'est simplement un des principes fondateurs du capitalisme tel qu'il est. Ce n'est pas du tout ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre. C'est la solidarité, bien entendu, c'est l'entraide qui nous a permis d'arriver jusqu'ici. Ce n'est ni la rivalité, ni la compétition, ni la compétitivité. On nous met dans la question qu'on nous pose dans ce grand débat, on nous oppose à la réduction de la biodiversité et à l'empêchement du réchauffement climatique, on nous oppose une règle de compétitivité. Une incompatibilité totale. C'est absolument total. Bien, on va s'arrêter là. Oui, c'est quand même, vous, quand même, votre blog s'appelle quand même un blog joyeux, donc quelque chose comme ça. Je dis le seul blog optimiste. Le oui. Seul blog optimiste. Oui, parce que c'est par opposition à des gens qui me présentent une vision qu'ils définissent eux comme optimistes, mais qui manquent absolument de lucidité et qui nous représentent le monde tel qu'il était peut-être il y a 300 ans, mais pas le monde tel qu'il est maintenant. Entendu. Merci beaucoup, Paul Jorion, de nous avoir accordé cette interview au téléphone de très chez volontiers. Vous. C'était vraiment un bon moment pour nous et peut-être à vous revoir et à vous lire de toute façon. Merci. Merci. Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire. Où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas à nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons le bien. Faisons pas les choses à moitié. Vu que de façon on va tous crever. Un seul objectif en tête. Faisons l'amour à la terre. Des tonnes de pétrole dans la mer. Du CO2 dans l'atmosphère. Et du phosphore dans nos rivières. De la dioxine dans nos desserts. Des piscines en plein désert. 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire. Un ours, à quoi ça sert? Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Fais le mur à la terre. Niquons la planète. En toute main, c'est trop Babylon, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons le bien. Faisons pas les choses à moitié. Niquons la planète. Vu que de façon, on va tous crever. Un seul objectif en tête, niquons la planète, niquons la planète, parce que c'est ma raison d'être. Donc c'était Niquons la planète de HK et les Saltimbanques. On passe à la suite. Oui. Alors Christian, tu vas nous parler de la conférence débat du 21 janvier qui a eu lieu au foyer théâtre Pierre de Roubaix, à Roubaix bien sûr. On peut dire que ça a été un succès. Peux-tu nous rappeler qui étaient les invités et pourquoi justement eux ? Eh bien, avec plaisir, René. C'est une nouvelle page d'actualité qu'on ouvre aujourd'hui sur l'activité d'Attaque Métropole. Alors, première question, la conférence débat, qui étaient les invités et pourquoi eux ? Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. L'invité, c'était d'abord Damien Carême, et qui a accepté notre invitation par l'intermédiaire de nos amis d'ADAC Flandre. Parce que, comme tu sais, René, on travaille, nous, sur la gratuité dans les transports en commun. Et effectivement, qui mieux placé que le vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque pour parler de la gratuité devant un public qui ne s'y connaît pas forcément et qui est quand même intéressé. L'autre invité était Fabien Desage. Alors Fabien Desage, René, tu le connais aussi bien que moi. C'est quelqu'un qu'on fréquente bien, nous. C'est un politiste. On l'a utilisé comme grand témoin dans ce débat parce que Fabien Desage nous a démontré comment les pouvoirs publics, par l'intermédiaire des intercommunalités, s'approprier le pouvoir économique essentiellement, au détriment des administrés. Et quand je dis administrés, ça veut dire que le pouvoir dans les communautés, les communautés de communes, les communautés d'agglos et les communautés urbaines a fortiori, où le pouvoir là, financier est important, eh bien on s'éloigne de la population, on s'éloigne de la décision publique et on fait des décisions entre soi, quoi. Donc qui nous pose problème. Et on est plus gestionnaire que politique. On est plus gestionnaire que politique. Comme le dira à un moment dans sa conférence Fabien de Sage, c'est que, effectivement, dans une communauté urbaine comme celle de Lille, les problèmes de logement à Bondu ne sont pas les mêmes que les problèmes de logement à M. Et donc, forcément, il n'y a pas d'entente là-dessus. Alors, on va s'entendre sur quelque chose d'autre qui intéresse a priori beaucoup moins de monde. Par exemple, on va faire de Lille la grande capitale mondiale du design en 2020. Ça intéresse qui et qui est au courant ? Enfin, bon, voilà, c'est un peu l'idée. Alors, la principale critique qui nous est faite à ATTAC, c'est de nous adresser à une ville, donc Roubaix, alors que c'est Lamel qui est en charge des transports publics. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi ? Oui, alors ça, c'est tout l'enseignement que nous a donné Fabien Desage, en fait. C'est bien pour ça qu'il était le grand témoin avec Damien Carême. Damien Carême avait son rôle de nous expliquer comment c'est venu la gratuité à Dunkerque, comment est venue la gratuité à Dunkerque, et de Sage pour nous expliquer ben voilà, comment fonctionne la communauté urbaine. Et donc, nous, c'est la façon dont on a pensé les choses, en l'occurrence. C'est-à-dire que nous nous sommes dit que, parce que tu le sais aussi René, on a fait plusieurs expériences malheureuses dans des collectifs de gratuité. Et l'expérience malheureuse la plus nette, c'était, elle est double. D'une part, on est allé manifester devant Lamel plusieurs fois, on était une quinzaine, et ça n'a jamais marché, ils s'en foutaient complètement. Et deuxièmement, ils font à mon avis une erreur qui est une erreur fort importante, c'est de dire, il faut trouver comment on va financer la gratuité. Ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est la volonté politique de le faire. Et la volonté politique de le faire, ça s'est fait effectivement à Dunkerque. Oui. Alors, donc... Notre raisonnement, c'est de dire, on va aller dans une ville, et pas n'importe laquelle. Hein. Roubaix, c'est d'abord, Attac Roubaix existe d'une part, mais c'est Attac Métropole qui gère l'ensemble. Attac Roubaix existe, et à Roubaix, c'est une ville où les besoins de mobilité sont importants et où les gens sont le moins mobiles parce que ça coûte les transports, précisément. C'est quand même la ville la plus pauvre de France. Des grandes villes, c'est la ville la plus pauvre de France, exactement. Et puis en plus, la plus polluée que Lille, ce qui est quand même quasiment une gageure aujourd'hui, hein, d'être plus polluée que Lille. Voilà. Donc, on a travaillé essentiellement sur... on va travailler essentiellement sur le public, sur les Roubaisiens. Et faire en sorte que cette démarche se s'approprie par les Roubaisiens et que cette idée de gratuité dans les transports publics pourront se faire par la pression publique, populaire à Roubaix. Alors comment ? Eh bien il faut qu'un jour, à un moment, ce débat-là arrive dans le conseil municipal. Voilà comment on veut faire. Alors le problème, c'est que... La situation dans laquelle nous sommes n'est pas inintéressante. On a eu très peu de retours positifs des associations. En revanche, les partis politiques nous ont fait confiance et nous ont laissé la place devant tout le monde avec le soutien de partis politiques et le Parti communiste français, la France insoumise, c'est Benoît Hamon, ça, Ensemble, et tout dernièrement, le NPA, sont prêts à nous soutenir. Et on va les rencontrer bientôt, parce qu'effectivement, il y a une suite à ce 21 janvier. Oui. La suite à ce 21 janvier, c'est une prochaine réunion, dans la semaine qui vient, avec ces gens-là et les gens qui, pendant le 21 janvier, pendant la conférence débat, se sont inscrits en disant « moi, ça m'intéresse de m'engager là-dessus ». Et il y a plusieurs personnes individuelles qui ont dit écrivez-nous ». Nous, on a diffusé le plus possible le compte-rendu de la réunion, qui a participé d'ailleurs largement à cette diffusion. Et en fait, on espère, comme ça, avoir un éventail de personnes différentes qui pourront intervenir dans les conseils de quartier, dans les comités de quartier à Roubaix, et effectivement, et pourquoi pas, moi je pense aussi beaucoup, dans les centres sociaux, pour dire que, réfléchissons à ça. Alors, pour terminer sur ta question, Dunkerque, notre modèle, c'est Dunkerque. Vergriet l'a fait tout seul. C'était dans son programme, aux élections municipales de 2014, il a dit « à Dunkerque, ce sera gratuit ». Mais ce n'était pas la communauté urbaine de Dunkerque. Élection, il est élu, il devient élu par les autres de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc, il se retrouve avec un soutien de poids, Damien Carême, et tous les deux, ils font la gratuité dans toute la communauté urbaine de Dunkerque. Voilà un peu la façon dont ça s'est passé et pourquoi nous avons travaillé sur Roubaix. Donc on passe à l'agenda militant. Demain, 17 février à 19h30, au cinéma L'Univers, projection, discussion, la Meuse est-elle une poubelle ? Point d'interrogation. Alors qu'un siècle a suffi pour faire oublier le danger pourtant encore réel des rebuts de la guerre 14-18, comment croire que notre mémoire permettra de maintenir la vigilance des générations futures autour des déchets nucléaires qui resteront dangereux pour plusieurs millénaires ? Lille Irradiée, collectif de soutien et de lutte contre le projet CIGEO, et l'association Robin Desbiot vous propose une séance de film « L'héritage empoisonné » en présence de la réalisatrice Isabelle Masson-Lout. Trois rendez-vous le jeudi 28 février dans trois villes différentes. Toujours au cinéma L'Univers à Lille, projection du documentaire Ultima Chiamata d'Errico Cerisulio, commandé au MITIN Massachusetts Institute of Technology par le Club de Rome, laissé halte à la croissance, a dénoncé les conséquences dévastatrices de la croissance de la population sur les ressources de la planète. Son message est aujourd'hui plus que de l'actualité. Une croissance sans frein n'est pas viable. 40 ans après, le film interroge les auteurs de l'étude prophétique pour savoir si ses limites ont été franchies ou s'il est encore temps pour un dernier appel. À M, discussion, donc toujours le 28 février, les lobbies, en quoi sommes-nous concernés ? On parle de plus en plus de lobbies, ce sont des groupes d'intérêt qui ont le pouvoir d'influencer les décisions publiques à tout niveau. Ils existent dans tous les domaines, ils sont peu visibles mais particulièrement actifs au niveau de l'Europe. Rencontre, débat avec Erwan Manak, journaliste de Politis, le jeudi 28 février. Accueil à partir de 18h30, c'est à la Maison du Foot, donc à M, rue de la Londerie. Événement organisé par Rencontre Citoyenne et Attaque. Dans le cadre des cours du soir de l'Université Populaire et Citoyenne de Roubaix, le jeudi 28 février à 19h, à la coopérative Baraka, discussion sur le thème « L'action non-violente plus forte que la violence ?» point d'interrogation, avec François Vaillant, rédacteur en chef du journal Alternative Non-Violente. Les Gilets jaunes ont obtenu en 3 semaines par la violence ce que les syndicats en 30 ans de manifestation n'ont jamais obtenu. C'est ce qu'on peut entendre dire, par exemple. Seule la violence intéresse les médias. C'est l'État qui est violent, pas les manifestants. Si la violence est souvent considérée comme au fondement des relations humaines, la non-violence l'est aussi. Quelle est la part de la violence et de la non-violence dans les grands conflits? Pourquoi et comment cultiver l'action non-violence pour ne pas recourir à la violence? Toujours dans le cadre des cours du soir de l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, présentation du livre « Le manuel stratégique de l'Afrique » avec Saïd Bouhama, sociologue. « L'Europe et l'Afrique ont un destin lié, marqué par une histoire de violence et de domination, l'esclavage et la colonisation, les guerres, les migrations. Cette histoire a fait de l'Afrique un continent dit sous-développé. Cependant, depuis l'indépendance, l'Afrique a été le théâtre de nombreuses expériences démocratiques, mais souvent interrompues par des assassinats et des coups d'État. Que nous révèle l'Afrique sur l'histoire de notre développement, entre guillemets ? L'Afrique peut-il s'affranchir d'une simple imitation de notre développement ? Point d'interrogation. Le samedi 9 mars à 15h, à la médiathèque du Vieux-Lille, de la Révolution à la Commune, le siècle des exilés, rencontre avec Sylvie April, une rencontre proposée par l'atelier d'histoire critique. Paris était dans la première moitié du 19e siècle la capitale des exilés qui accueille les révolutionnaires de tout pays d'Europe. Pourtant, les situations inversées ont existé aussi. Tout au long du 19e siècle, et plus particulièrement sous le Second Empire, de nombreux Français prennent le chemin de l'exil et de l'immigration politique au gré des changements de régime politique. Si pendant la Révolution française, il s'agissait principalement de princes et de contre-révolutionnaires, ce sera par la suite le tour des républicains, socialistes ou anarchistes de prendre le chemin du départ, de gré ou de force. Merci Florent. On va quitter l'antenne aujourd'hui. Je rappelle que cette émission a été enregistrée le 9 février avec Paul Jorion. Nous sommes très fiers d'avoir accueilli Paul Jorion, entre parenthèses. Et nous vous donnons rendez-vous le 16 mars pour une autre émission d'Angle d'Attaque. On ne connaît pas encore le sujet, mais rassurez-vous, ce sera quelque chose de qualité, comme on vous a habitué d'ailleurs depuis le début. À très bientôt. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao. Mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. La mattina libertà, appena alzata. ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata in risaia mi tocca andare, il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il capo in piedi col suo bastone. E noi curve a lavorare, ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno che tutte quante